Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler d'hockey mineur avec notre ami David Lamontagne. On va faire un peu le bilan. C'est pas mal la semaine des bilans dans le Radio Sport. Évidemment, on est entre deux saisons. La saison hivernale est pas mal finie. On a fait la Toboski, on a fait hier le multiconseillère. Là, maintenant, on va parler avec le hockey mineur de Beaumont-Sessing, David Lamontagne. Salut, David. Salut, Danny. David, effectivement, écoute, les Rapides, ça fait une belle année, en tout cas. C'est les Castors, belle année aussi. J'ai moins suivi au niveau de l'Atome puis Pee-Wee, que c'est-tu pas pire aussi de ce côté-là? Pee-Wee, c'était un petit peu plus difficile au niveau du classement. Ouais. Atome, une jeune équipe, c'était quand même, je te dirais, milieu de peloton. Ça n'a quand même pas été facile non plus. Mais oui, comme tu dis, pour les Rapides, Bantam 2B, puis les Castors, c'est des très belles années, là, malgré le nombre de joueurs inscrits là, dans chaque catégorie. Là. Okay. Quand même des belles années. Puis même aussi, on a pour ce qui est de la ronde des champions, on a eu des représentants dans la tombe B, les Loups ont gagné la ronde des champions. Après ça, dans le Bantam B, les Interviews ont perdu en finale la ronde des champions. Après ça, Midget B a gagné la ronde des champions. C'est comme on a quand même eu des équipes qui ont bien figuré là cette saison. C'est pas mal le fun. Ça veut dire c'est encourageant. Oui. Y avait-il pas mal d'inscriptions cette année? Ça jouait pas mal comme les autres années, là. Ça joue toujours entre 250-300 inscriptions, mais ça ressemblait pas mal à l'année d'avant. C'est okay. Plus dans les catégories. Il y a quand même beaucoup de relèves, là. C'est pré-novice, novice, là. Écoute, c'est quand même encourageant. Il y a beaucoup d'inscriptions. Mais, tu sais, veux pas avec le scolaire, alors que le scolaire, ben, ça enlève un petit peu plus ça enlève des joueurs un petit peu plus dans les catégories, puis oui, Bantam, un petit peu médiocre. Là, la relève est bonne. Par contre, du côté des officiels, c'est moins bon, hein? C'est difficile, c'est sûr. C'est difficile. Ouais. C'est difficile de recruter des arbitres. On essaie de faire même des arbitres qui font des retours, qui reviennent. Ça va sûrement être un sujet qu'on va discuter au courant de la pour savoir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut... parce que veux pas, c'est quand même un ça devient un problème. Tu sais, si on n'a pas d'arbitre, on n'a pas de match de hockey. Oui, effectivement. Donc, écoute, t'as-tu annulé des matchs cette année? De même, moi, oui, je pense que ça est arrivé. À cause de ça? Quand même, je me disais qu'il y a eu quand même un travail assez... C'est Luc Tremblay, en fait, il y a des semaines là, que on pourrait dire qu'il faisait des miracles, puis on se dépanne avec les autres... avec les arbitres de Saint-Félicien, Roberval, même les arbitres d'Alma, on réussit à se dépanner puis à se en plus jour, mais veut pas, ça coûte des coûts de plus, là. C'est des transports qu'on paye, c'est que au bout de la ligne, c'est ça. C'est tout le monde qui paye pour ça. Puis c'est sûr que c'est bien certain que d'avoir des arbitres locales, puis que ça facilite les choses, puis ça coûte beaucoup moins cher pour l'arbitre. Nous autres, on a décidé depuis l'année passée de payer 100% des inscriptions, des coûts des arbitres, l'inscription, puis le cours, puis tout. Puis, dans le but d'avoir justement des nouveaux arbitres, puis de la relève. Ouais. Mais c'est ça. C'est plus dans les catégories Bantam, Midget, je veux pas. C'est souvent nos arbitres, c'est des jeunes arbitres, des joueurs, des arbitres qui jouent encore au hockey. Ça fait que, okay. Il y a des fins de semaine que c'est assez difficile. Ben, puis c'est pas rien que ça non plus. Tu fais crier après, moi, j'aimerais pas ça, moi. T'as bien beau dire que c'est pas une question de... C'est sûr que ça aide pas, mais... Tu cries après le chandail, mais pas... mais c'est pas ça, là. C'est... quelque part, me fais crier après, c'est pas le fun, là. C'est sûr. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que ça va payer. Comment vous êtes on est d'arbitre dans le secteur de Beaumont-Sessigny, à peu près? Ouf! C'est embêtant, là. Je te dirais... je pourrais te revenir avec le nombre exact, là, mais je te dirais peut-être une douzaine d'arbitres, 10, okay. 12 arbitres. C'est pas beaucoup pour les ligues de garage puis tout c'est ça. C'est pas beaucoup. Ben, les ligues de garage, il y en a d'autres, là. Mais si je te parle pour le hockey mineur, des arbitres fédérés, je te dirais une douzaine au maximum. OK. Y avait-il d'autres choses à te mentionner au niveau des bénévoles? Ça a bien été de ce côté-là aussi? Très bien été. Écoute, les bénévoles, c'est nos tournois ont très bien été, que ce soit de novice jusqu'à midget, même pré-novice à Normandie, ça s'est très bien déroulé. OK. Fait que, tu sais, des bénévoles, ça, c'est on sait comment c'est précieux, puis veux pas le bilan financier, puis la manière comment on dit ça, pour que ça y aille au final. C'est ça qui est important, c'est d'avoir des bénévoles, puis d'avoir du monde qui s'implique, puis c'est sûr que c'est les jeunes qui en bénéficient. Hey, David, c'est pas le même sport, mais c'est les petits cousins, mettons, l'arrivée du deck hockey dans le secteur, oui. Comment tu trouves ça? Ben, moi, j'ai hâte de voir combien d'inscriptions qu'il va y avoir, mais c'est ce soir, on passe ça dans notre secteur, oui. Ouais, OK. J'ai hâte de voir comment. Je pense qu'il y a une rencontre à soir là, d'information ouais, d'inscription. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va être plus populaire pour les plus vieux ou pour les plus jeunes. J'ai quand même hâte de voir ça, comment ça va aller, puis comment que. Ouais. Pour ça le fun pour les jeunes et pour le monde. OK. David, est-ce que tu reviens l'année prochaine comme président? Non, ça devrait pas, non. On va essayer de trouver une relève, puis trouver. Je dis pas non à rester une année encore dans ce comité pour faire le suivi, pour faire la succession. Mais non, l'année prochaine, je ne serai pas là. Beaucoup de stock, beaucoup de chiolage, j'imagine aussi. Là. Bon, je ne sais pas le chiolage, je ne sais pas. C'est juste que, tu sais, ouais. c'est aussi de passer, passer à POC, passer à POC au prochain. Là. Ouais, donc, je pense que c'est bon qu'il y ait un roulement, puis qu'il y ait aussi, ben, je ne veux pas. Quand tu l'as fait, moi, ça fait deux ans et demi, je pense que. J'ai fait ma part, puis je pense que, puis en même temps, je trouve que c'est important qu'il n'y ait un prochain, puis comme j'ai dit tantôt, pouvoir faire le suivi avec, puis dire, alors. Effectivement. C'est ça. David, merci beaucoup de ta collaboration tout au long de la saison. Bravo encore une fois, puis pour la belle saison, pour le plaisir de se reparler. On va se revoir sûrement dans d'autres conditions. Merci beaucoup, Danny. David Lamontagne, président du hockey mineur de Dolbeau-Mississinée.